Chapitre 4. Midi approchait quand M. de Pandelon atteignit le petit sentier ménagé comme raccourci au flanc de la hauteur. Les murs roux du pavillon se dressaient près de lui, à demi couverts des grappes mauves de la glycine. Wenaël les contourna, ouvrit la porte et se trouva chez lui, dans la petite demeure silencieuse où son valet de chambre l'avait précédé le matin. Mais il ne fit que la traversée. D'un pas alerte, il gagna le jardin et descendit jusqu'à la seconde terrasse. Près du petit bassin ovale, Annonciade, debout, groupait entre ses doigts des branches de lilas. Elle tourna la tête au bruit des pas et la chaude lumière de midi se répandit sur son visage, tout à coup un peu rougissant, sur ses yeux qui souriaient. « Ah, vous voici, monsieur !»« Mais oui, vous voyez que je n'ai pas fait une longue absence. » « Votre bastide rose me rappelait, et j'ai obéi à cet attrait bien volontiers. » Les yeux de Wenaël, aujourd'hui, semblaient d'un vert profond comme la mer de son pays, et ils avaient l'ensorcelante beauté de l'océan perfide et charmeur quand le soleil étend sur lui son voile d'or. Ils attiraient le regard d'Annonciade, l'obligeaient à se laisser pénétrer par eux, tandis qu'avec un intérêt apparent, M. de Pandelon interrogeait la jeune fille sur la culture des fleurs pratiquées dans le jardin de la Bastide. Un peu de vent agitait les souples feuillages d'un vert doré. La senteur capiteuse des orangers saturait l'atmosphère autour d'eux. Dans la lumière, le blanc visage d'Annonciade s'animait de chauds reflets et les yeux, purs et doux, avaient parfois un éclat subi comme un frémissement de vie plus ardente. Wenaël songeait. Ils seront admirables le jour où cet enfant connaîtra l'amour. Maintenant, il parlait d'une œuvre littéraire de valeur qui venait de paraître et dont il avait apporté un exemplaire pour ses hôtes. La culture intellectuelle d'Annonciade, sa vive compréhension, faisaient de cette jeune solitaire, timide et réservée, une interlocutrice non négligeable, comme il avait déjà pu s'en rendre compte. Elle l'écoutait en penchant un peu la tête, avec un regard attentif qui, parfois, se voilait sous les cils tremblants. Car le regard de Wenaël l'éblouissait, et elle sentait s'insinuer en elle une émotion étrange, jamais éprouvée, quelque chose d'inquiétant et de délicieux à la fois. Wenaël s'interrompit en disant « Voilà, monsieur Labarède !» Il alla au-devant du vieillard qui montait des terrasses inférieures dans sa tenue de travail. La bouche large, les yeux un peu ternis par l'âge souriaient dans le bon visage maigre, tout craquelé par les rides. M. Labarède était joyeux de revoir son locataire et il ne songeait pas à s'étonner de le trouver, à peine arrivé, conversant avec sa petite fille. Il parlait littérature, eh bien, mais c'était fort innocent en vérité. Il convenait, au contraire, de se féliciter qu'un homme d'une si haute culture intellectuelle voulût bien condescendre à de tels entretiens dont ne pouvait que profiter l'intelligence très ouverte d'Annonciade. Ainsi, le plus sincèrement du monde, s'aveuglait le bon aïeul et l'étranger avait le champ libre pour entrer dans ce cœur de jeune fille, feuillet vierge sur lequel il voulait inscrire son nom, le premier. Jour par jour, il voyait les mois nouveaux s'emparer un peu plus de cette âme pure qui avait eu encore peu de contacts avec la vie. Chaque soir, il venait chez les Labarède et il bavardait ou bien lisait tout haut des chants de la Divine Comédie, des extraits de Shakespeare ou des œuvres d'auteurs modernes en les commentant avec son habituel tour d'esprit original. Le matin, à l'aube ou vers la fin de l'après-midi, quand Annonciade se trouvait seule au jardin, occupée à cueillir des fleurs pour la vente, elle le voyait souvent apparaître suivi de son chien. Aimable et gai, il s'offrait pour l'aider. Et il parlait encore. Annonciade parlait de son enfance, de ses grands-parents, de son souci en les voyant vieillir. Elle était simple et confiante parce que jamais un mot susceptible de l'effaroucher n'était sorti des lèvres de Wenaël. La chaude caresse du regard, la séduction du sourire et de la parole faisaient d'elle une captive sans qu'un seul instant le soupçon du danger se mêlât à cette joie jusqu'alors inconnue qui la pénétrait depuis quelque temps, à cette émotion qui précipitait les battements de son cœur dès qu'apparaissait M. de Pandelon. Il suivait sur sa physionomie les progrès de cet amour ingénu qui s'ignorait encore. Annonciade lui inspirait un intérêt très vif par sa beauté, mais aussi par le charme délicat de son âme, par tout ce qui la faisait différente des autres femmes. Il se plaisait à voir passer dans ses yeux de plus vive clarté, monter à son teint blanc un peu de rose, quand elle sentait sur elle son regard. Dans le calme de la Bastide, il oubliait près d'Annonciade les amis qui l'attendaient, la noble vénitienne aux yeux passionnés, dont il était si ardemment aimé. Les hivernants commençaient à se disperser, mais par Henri, M. de Pandelon savait que la comtesse Dravini et sa fille prolongeaient leur séjour, contrairement à leur coutume. Elles espéraient sans doute le voir réapparaître. Cependant, il n'était pas retourné à Cannes, et comptant repartir directement de la Bastide dans quelque temps, il venait de faire savoir à l'hôtel qu'il ne conservait pas son appartement, en même temps qu'il envoyait au chauffeur l'ordre de garer la voiture en ville. On connaissait bien son originalité, sa capricieuse désinvolture d'homme gâté par la vie. Où, cette fois, son bon plaisir le retenait-il? M. de Challenges, suivant un jour Henri, était arrivé jusqu'au pavillon, mais là, il avait attendu vainement pendant une heure, sans voir personne apparaître, et, connaissant l'esprit d'indépendance de son ami, il n'avait osé sonner pour le demander. Quand il apprit sa découverte à Donia Flavia, celle-ci s'écria impétueusement « Je monterai là-haut et nous verrons bien s'il me recevra. » « Je ne vous engage pas à le faire, madame. Avec un homme du caractère de Wenaël, les démarches de ce genre ne sont guère appréciées. Celle-ci, j'en suis persuadée, l'irriterait au plus haut point. » La jeune femme eut un rire amer en ripostant « Oui, parce qu'il m'oublie, pour un autre. Mais précisément, je voudrais bien la connaître, celle-là. Je vous assure que ce serait vous aliéner à jamais la sympathie de Wenaël. » « La sympathie? Je m'en soucie peu. S'il ne m'aime pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et j'aurai du moins le plaisir de lui dire son fait à cet odieux Pandelon. » Sans vouloir écouter davantage M. de Challenges, Flavia s'éloigna et alla s'enfermer dans sa chambre. Le lendemain, de bonne heure, elle était sur le chemin de la Bastide, résolue à tout tenter pour voir Wenaël. En arrivant au pavillon, elle s'arrêta un moment avant de sonner. Une émotion violente l'étreignait. Sa nature impulsive et passionnée, la force de son amour jaloux, l'avait amenée ici. Mais elle n'ignorait pas qu'un être indépendant et orgueilleux était Wenaël. Comment la recevrait-il? Quelles dures paroles allait-elle entendre? Elle songea. « Tant pis, il ne m'aime pas, mais je veux lui montrer que je ne suis pas sa dupe. » Elle étendit la main vers la sonnette qui fit entendre un carillon grêle. Un pas retentit sur les dalles et la porte s'ouvrit, laissant apparaître le froid visage d'Henri. La jeune femme s'informa d'une voix qui tremblait un peu. « Monsieur de Pandelon est-il là ?»« Monsieur le marquis est absent, madame. »« Absent? Pour longtemps ?»« Je l'ignore, madame. »« Ah, vraiment? C'est contrariant, très contrariant. » Elle reculait tout en parlant pour se retirer, car bien que ne croyant pas un mot de cette réponse, elle n'osait insister. Cet homme, fanatiquement dévoué à son maître, était un bloc impassible, elle en avait déjà eu la preuve. Elle feignit de s'éloigner, mais un peu plus loin, dans le chemin, elle entra dans le bois de pins et se dissimula derrière un arbre, à un endroit d'où elle pouvait apercevoir à la fois la porte du pavillon et celle de la Bastide. Là, elle guetta pendant de longues heures. Au cours de la matinée, elle vit sortir M. Labarède, qui allait au village, puis la servante avec son panier à provisions. Elle entendit aboyer Seldjouk, ce qui lui fit penser que Wenaël était bien là. Puis, l'heure du déjeuner passa. Elle tint bon, en dépit de légers tiraillements d'estomac. Cependant, elle se disait que son attente serait probablement vaine. Prévenu par Henri, M. de Pandelon s'abstiendrait aujourd'hui de sortir pour ne pas risquer sa rencontre. Vers 3 heures, elle commença de se dire qu'il faudrait songer à se retirer. Wenaël demeurait invisible. Lentement, elle se leva et tira ses membres fatigués de ce long repos sur l'herbe. Un moment encore, elle demeura là, les yeux fixés sur la bastide dont elle souhaitait si avidement percer le mystère. Puis elle fit quelques pas sans hâte. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait en grinçant sur des dalles l'immobilisa brusquement. Au seuil de la bastide apparaissait une svelte silhouette de jeune fille, vêtue d'une simple robe blanche à petits dessins mauves et gris. Un chapeau de paille bise abritait la charmante figure dont les yeux souriants, aussitôt la porte franchie, se tournaient vers M. de Pandelon qui sortait à son tour de l'ombre du vestibule tandis que Seldjouk bondissait sur le chemin. La jeune fille dit gaiement « Alors, à ce soir, monsieur. Bonne promenade !»« Merci, mademoiselle. Je vais prendre quelques croquis là-haut et je rentrerai sans doute de bonne heure. » Il l'enveloppa d'un regard de souriante caresse en ajoutant « À bientôt !» Elle s'éloigna, légère et gracieuse, dans la direction du village. Flavia, qui frissonnait d'émotion et de colère, s'apprêtait à descendre pour se trouver sur le passage de Wenaël. Mais, à sa profonde stupéfaction, elle le vit venir droit à elle, très calme, la mine sarcastique. « Eh bien, vous avez une dose de patience peu commune, Donia Flavia. Vraiment, il eût été trop cruel de vous laisser regagner Cannes sans vous récompenser d'une telle constance. » Sous la raillerie froide, la jeune femme rougit violemment et perdit un instant contenance. « Vous me voyez ?»« Mais oui, très bien, d'une fenêtre de mon logis. Vous vous apprêtiez à partir ?»« Oui. Puisque vous vous êtes privé de déjeuner, voulez-vous me faire l'honneur de venir goûter chez moi ?» Elle hésita un moment avant de répondre. « Soit, j'ai à vous parler du reste. » Quand elle fut dans le salon du pavillon, petite pièce garnie de vieux meubles bien entretenus et toujours ornée de fleurs par les soins d'Annonciade, Donia Flavia s'approcha de la porte-fenêtre ouverte et jeta un coup d'œil sur les terrasses fleuries d'où montait un doux parfum. Une main ferme se posa sur son épaule, une voix mordante demanda « Eh bien, votre curiosité est-elle satisfaite ?» Elle se détourna et rencontra le regard moqueur de Wenaël. « Vous croyez donc à cela de ma part ?» La voix de Flavia prenait une intonation véhémente. « Vous croyez à une curiosité banale ? Ah non, tenez, je sais bien que vous connaissez le motif qui m'a conduite ici, en dépit de toutes les conventions du monde, qui m'a fait oublier ma fierté, qui... » Il interrompit avec un calme hautain. « De ce motif, ne parlons pas, si vous le voulez bien. Il ne pourrait qu'amener entre nous une explication... désagréable. Mais cette explication, je la veux. Je suis venu la chercher. Wenaël, vous connaissez mes sentiments à votre égard. Vous, un jour, vous m'avez dit « je vous aime ». M'avez-vous donc menti, alors ? Aucunement. Je suis toujours sincère quand je dis à une femme ces mots-là. Mais il y a diverses qualités d'amour. Le mien est très différent du vôtre, qui voudrait la perpétuité et l'exclusivité. Aussi aurions-nous eu beaucoup de peine à nous entendre sur ce sujet. » Elle tressaillit en se reculant un peu. Ses lèvres tremblantes demandèrent « Cela signifie que, maintenant, je vous suis indifférente ? Pourquoi cherchez-vous à me faire prononcer des mots blessants ? Restons bons amis, ce sera mieux. Venez vous asseoir et racontez-moi les nouvelles, car je vis ici en ermite. » Elle se laissa conduire à un fauteuil. Les paroles de Wenaël, prononcées avec la plus tranquille froideur, venaient de lui enlever ses dernières illusions. Elle aurait dû quitter aussitôt cette demeure, s'éloigner de l'homme qui s'était ainsi joué de son cœur. Mais elle n'était devant lui que la plus faible des femmes. Elle n'avait pas la force de sacrifier ces moments qui lui étaient donnés de passer près de ce charmeur dans l'intimité de ce petit salon fleuri. Puis, en dépit de tout, ne gardait-elle pas quelque fol espoir de le ramener à elle ? Ces mots prononcés par lui tout à l'heure, ces mots si durs qui semblaient l'écarter définitivement, n'étaient-ils pas destinés surtout à la punir d'avoir découvert sa retraite et d'être venu les déranger ? La jeune fille, entrevue un moment auparavant, était bien jolie. Cependant, une femme séduisante, expérimentée, ardemment amoureuse, comme la belle comtesse Flavia Spelletta, pouvait avantageusement lutter contre cette fillette, probablement de modeste origine et d'éducation simple, dont se lasserait vite, sans doute, le fantasque et mondain marquis de Pandelon. Aussi, en veillant à n'y mettre aucune affectation et tout en faisant honneur au goûter servi par Henri, Donia Flavia déploya-t-elle tout son charme de femme élégante, toute la verve brillante de son esprit cultivé. Wenaël lui donnait la réplique sans paraître aucunement se souvenir du motif qui avait amené ici la jeune femme, ni les paroles échangées tout à l'heure. Mais Flavia, quelque illusion qu'elle voulût se donner, comprenait très bien qu'il n'était plus le même pour elle et que tout ce qu'elle tentait pour le reprendre demeurait inutile. En refusant une seconde tasse de thé, elle se leva et dit avec une affectation d'entrain « Il me faut redescendre maintenant. Fort heureusement, j'irai plus vite qu'à la montée. Ce petit sentier est d'une raideur terrible. Je ne m'en aperçois pas. Oui, parce que vous avez des jarrets rompus à tous les sports. Voyons, que je jette encore un coup d'œil sur votre jardin. » Elle s'avança et fit quelques pas hors du salon, sur la terrasse. La vive lumière du soleil qui déclinait enveloppa sa belle taille souple, vêtue de velours vert, et fit étinceler le collier de topaze entourant son cou. « Vous occupez ce pavillon seulement ?»« Oui, mes propriétaires habitent la maison voisine. J'ai la jouissance du jardin, où ils cultivent des fleurs pour la vente. » « C'est agréable, et ces terrasses font une jolie perspective. Puis, vous avez la vue de la mer. » Elle s'interrompit, annoncia de remonter des terrasses, lentement, les yeux rêveurs. Des clartés se jouaient sur les cheveux bruns et sur le visage pensif. Elle tenait à la main une gerbe de fleurs. Ainsi, le front penché, la démarche sans hâte, elle semblait une jeune prêtresse de Minerve montant vers l'autel de la déesse pour lui offrir un tribut fleuri. Sans regarder Wenaël, Flavia dit avec un rire sourd « Elle croit aussi, celle-là, à la sincérité de vos paroles d'amour ?» Il se tenait près de la jeune femme sur la terrasse. Lui aussi regardait Annonciade qui ne les voyait pas. En se tournant vers Flavia, il riposta avec une calme ironie « Elle y croira quand elle les aura entendus. » Flavia essaya de rire. « La malheureuse, ce serait une charité de la prévenir. » « Une charité dont vous vous chargeriez volontiers. » Elle rougit sous le regard de froid sarcasme et leva les épaules. « Ce n'est pas mon affaire. Je la plains, voilà tout. Eh bien, au revoir. » « Je ne sais quand nous nous reverrons maintenant. »« Peut-être cet été, au cas où vous décideriez de choisir Dinard comme villégiature. Je vais vous accompagner jusqu'au bas du sentier, si vous le voulez bien. » Ils n'échangèrent plus que des phrases insignifiantes jusqu'au moment où ils se séparèrent sur la route d'Antibes. Monsieur de Pandelon baisa la main de la jeune femme, prononça quelques courtoises paroles d'adieu, puis s'éloigna sans se retourner une seule fois. Elle restait sur la route, immobile, le suivant des yeux. La colère et la douleur se partageaient son cœur. Elle avait conscience que son indiscrétion de femme amoureuse et jalouse déplaisait au plus haut point à Wenaël et qu'il ne le lui pardonnerait pas. En frappant du pied le sol dur, elle murmura, les yeux pleins de larmes, « Ah, quelle sottise d'aimer ainsi, d'être folle à ce point !»